Quatre rencontres par Henry James. Je n'ai rencontré Miss Spencer que quatre fois, et ces rencontres restent gravées dans mon souvenir, car cette jeune personne produisit sur moi une vive impression. C'était un gracieux échantillon d'un type peu commun. La nouvelle de sa mort me cause un vrai chagrin. Pourtant, lorsque j'y songe, ne devrais-je pas plutôt me réjouir? La dernière fois, mais procédons par ordre. Chapitre 1er. Notre première rencontre eut lieu en pleine campagne. Il doit y avoir 17 ou 18 ans de cela. Mon ami Jones, qui allait passer les vacances de Noël chez sa mère, m'avait décidé à l'accompagner, et mon hôtesse donnait en notre honneur une soirée intime. Pour moi, ce fut un divertissement tout nouveau, car je n'avais guère habité que les grandes villes. Jamais je ne m'étais aventuré au fond d'une province américaine. La neige tombait avec une telle persistance depuis le matin que l'on s'y enfonçait jusqu'aux genoux sur les routes. Comment les dames feraient-elles pour se rendre chez Madame Jones? J'étais bien naïf de m'en inquiéter. À Grimwinter, elles auraient volontiers affronté de plus rudes obstacles afin d'assister à une réunion que deux messieurs arrivant de New York honoraient de leur présence. Aucune des invitées ne manqua donc à l'appel. Madame Jones, durant le cours de la soirée, me demanda si je ne voulais pas montrer les photographies à une de ces demoiselles. Lesdites photographies remplissaient de vastes cartons rapportés par son fils, qui, comme moi, venait de voyager en Europe. Je jetai les yeux autour du salon, et je m'aperçus que la plupart des jeunes personnes présentes étaient pourvues d'un objet d'intérêt beaucoup plus absorbant qu'un paysage reproduit par le soleil. Je remarquai toutefois une invitée qui se tenait seule près de la cheminée. Après l'avoir contemplée un instant, je répliquai « Je les montrerai très volontiers à cette demoiselle-là. »« Cela tombe à merveille, » dit Madame Jones. « C'est justement celle qu'il vous faut. Elle n'aime pas les flirtations. » Si l'on en m'avait laissé le temps, j'aurais peut-être déclaré que puisqu'elle n'aimait pas les flirtations, mieux valait chercher ailleurs. Je n'eus pas l'occasion de protester. Madame Jones me proposait déjà en qualité de montreur de photographie. « Elle sera enchantée, » dit-elle en me rejoignant 2 minutes après. « Oui, Miss Spencer est justement celle qu'il vous faut, si sérieuse, si intelligente. » Là-dessus, mon hôtesse me présenta. Bien que Miss Caroline Spencer ne fût pas une beauté, c'était une charmante petite personne, admirablement faite. Elle devait friser la trentaine, mais sa taille et la fraîcheur merveilleuse de son teint lui donnaient presque l'air d'une enfant. Elle avait une très jolie tête, et ses cheveux étaient arrangés comme ceux d'un buste grec. Je la soupçonnais de goûts artistiques, si tant est que le séjour de Grimwinter fut capable de favoriser des tendances de ce genre. Elle était vraiment fort gracieuse avec sa mine doucement effarouchée, ses lèvres un peu minces et ses dents d'une blancheur éclatante. Autour de son cou s'enroulait ce que les dames, si je ne me trompe, appellent une ruche, retenue par une simple broche de corail, et l'éventail qu'elle tenait à la main n'avait rien de luxueux. Je remarquai en outre que la jupe de sa robe de soie noire n'avait peut-être pas toute l'ampleur exigée par la mode du jour. Elle m'adressa un petit salut cérémonieux, montrant ses dents blanches entre ses lèvres minces mais souriantes. Elle parut en effet ravie et même un peu troublée par la perspective que lui ouvrait l'étude des trésors dont je me chargeais de lui expliquer les beautés. Pour ma part, mon rôle ne m'effrayait pas. Je tirai les cartons de leur coin et j'approchai de sièges d'une table suffisamment éclairée. Les photographies représentaient des scènes ou des objets qui m'étaient familiers, des vues de Suisse, d'Italie et d'Espagne, des monuments, des tableaux, des statues plus ou moins célèbres. Je racontais ce que je savais sur chaque sujet. Ma compagne regardait les photographies à mesure que je les soulevais une à une et m'écoutait, immobile, son éventail appuyé contre sa lèvre inférieure. De temps à autre, lorsque je reposais une épreuve dans le carton, elle me demandait « Vous avez vu l'original ?» Presque toujours, je répondais que je l'avais vu plusieurs fois. Alors ses jolis yeux se fixaient un instant sur moi comme à la dérobée. Je lui avais moi-même demandé au début de notre entretien si elle connaissait l'Europe. Ma question m'avait valu un « non, non, non », murmurée à voix basse, d'un ton rapide et confidentiel. Ensuite, quoiqu'elle ne quittât guère des yeux les photographies, elle ne m'adressa la parole qu'à d'assez longs intervalles. Aussi, dès que nous eûmes achevé l'inspection du contenu de l'un des cartons, feignis-je de ne plus songer à l'autre. J'avais fini par me convaincre que mes explications ne l'ennuyaient pas, mais son silence me dépitait. Voilà ma tâche accomplie, Miss Spencer, lui dis-je, et je le regrette. Tandis que je la saluais, je vis qu'une faible rougeur animait ses joues. Elle agitait d'une main fébrile son modeste éventail, et au lieu de regarder la séance comme finie, elle dirigeait les yeux vers le second carton qui restait appuyé contre la table. « Ne voulez-vous pas me montrer celle-là ? » me dit-elle. « Avec plaisir, si vous n'êtes pas fatigué, » répondis-je. « Je ne suis pas fatigué du tout, » répliqua-t-elle. « Je ne me lasserai jamais d'admirer ces belles choses. » Tandis que je me disposais à satisfaire sa curiosité, elle posa la main sur le carton avec un geste caressant. « Et avez-vous aussi visité cet endroit-là ? » me demanda-t-elle un instant après. Examen fait de la première photographie, je reconnus que je l'avais visitée. C'était une vue de Château de Chillon sur le lac de Genève. Je lui fis remarquer l'admirable effet produit par la réflexion des roches rugueuses et des tourelles dans l'onde claire du lac. Elle ne s'écria pas « ravissant » pour écarter l'image afin de passer à la suivante. Elle s'abstint de pousser une de ces exclamations banales à l'usage des amateurs et me demanda si ce n'était pas là qu'avait été enfermé Bonivard. Je répondis affirmativement et j'essayais de me rappeler les strophes où Byron décrit les souffrances du prisonnier. Ma mémoire me fit défaut, je m'arrêtais décontenancé. Elle s'éventa un instant, puis répéta le passage d'une voix émue, mais sans la moindre affectation d'enthousiasme. Arrivée au bout de sa citation, elle rougit. Je la complimentai, et je déclarai qu'elle était parfaitement équipée pour visiter la Suisse et l'Italie. Elle me regarda de nouveau à la dérobée afin de voir si je ne raillais pas, et j'ajoutai « Pour peu que vous désiriez juger jusqu'à quel point les descriptions de Byron sont exactes, il faudra vous mettre en route sans trop perdre de temps, car l'Europe se débyronise avec une rapidité déplorable. Combien de temps me donnez-vous ? Je vous donne 10 ans. Je crois que je pourrais partir avant 10 ans, répliqua Miss Spencer avec le plus grand sérieux. Tant mieux, cela vous intéressera énormément. Je venais de tomber sur la photographie de quelques coins d'une ville d'Europe qui me rappelait de chers souvenirs. Mes souvenirs, je le suppose, m'inspirèrent une certaine éloquence, car Miss Spencer m'écoutait en retenant son haleine. « Êtes-vous resté longtemps à l'étranger ? » me dit-elle après un intervalle de silence. « Bien des années. Et vous avez voyagé partout ?»« Partout, non. J'ai parcouru l'Europe un peu au hasard. J'aime beaucoup à voyager. » Elle me lança encore un de ses regards furtifs. « Vous parlez français et italien ?» Assez pour me tirer d'affaire. Est-ce très difficile ? Je suis persuadé que vous apprendriez vite, répliquai-je poliment. Oh, moi, je n'aspire pas à parler une autre langue que la mienne. Je voudrais seulement comprendre. On dit que le théâtre français est si beau. C'est le premier théâtre du monde. Vous y êtes allé bien souvent ? Lorsque j'habitais Paris, j'y allais chaque soir. Chaque soir ? Répéta-t-elle en ouvrant de grands yeux. Un instant après, elle me demanda : Quel pays préférez-vous ? Il y a un pays que je préfère à tous les autres à cause de son soleil. Je suis sûr que dans 10 ans d'ici, vous penserez comme moi. L'Italie ? Dit-elle. L'Italie, répondis-je. Son visage s'était animé. Elle n'aurait certes pas semblé plus jolie si, au lieu de lui montrer des photographies, je lui avais parlé d'amour. Elle venait de me regarder d'un air interrogateur. Elle détourna les yeux et rougit un peu. Il y eut une pause qu'elle rompit en disant « C'est là le pays que je désire surtout visiter. » Nous passâmes en revue plusieurs photographies sans échanger une parole. « On dit que la vie n'est pas trop chère en Italie, » reprit-elle enfin. « On a raison. J'ai vécu un meilleur marché qu'ailleurs. Néanmoins, tout cela coûte cher, n'est-ce pas ? Vous voulez dire un voyage en Europe ? Oui, je ne suis pas riche. Je donne des leçons. Voilà l'embarras. Il faut certainement de l'argent, » répliquai-je. Mais on peut s'arranger de façon à n'en pas trop dépenser. Je crois que je saurais très bien m'y prendre, répliqua Miss Spencer. J'ai des goûts fort simples. J'ai déjà mis quelque chose de côté pour mon voyage, ajouta-t-elle d'un ton confidentiel. Mais tout a été contre moi. L'argent et bien d'autres raisons. J'ai attendu et attendu. Ça a été un château en Espagne. J'ose à peine y songer. 2 ou 3 fois le château a presque paru bâti. Et dès que je me suis mis à en parler, il s'est écroulé. « J'ai eu tort de vous entretenir de mon rêve, » poursuivit-elle avec un peu d'hypocrisie, car le simple exposé de son projet lui avait évidemment causé une joie indicible. « Il y a une dame qui a beaucoup d'amitié pour moi. Elle ne tient pas du tout à quitter Grimwinter, et je lui parle sans cesse de mon voyage. Elle m'a dit l'autre jour qu'elle ne sait pas ce que je deviendrai, que je perdrai peut-être la tête si je ne visite pas l'Europe, et que je la perdrai infailliblement si j'ai la joie de réaliser mon rêve. « Rassurez-vous, » répondis-je en riant, « il y a longtemps que vous attendez, et vous avez encore toute votre raison. » Elle me regarda un instant sans répondre. « Je n'en suis pas trop sûr, » dit-elle enfin, « je ne pense qu'à cela, si bien que j'oublie beaucoup de choses dont je devrais m'occuper. C'est là une espèce de folie. » Le remède est facile à trouver, il vous suffira de partir. Oui, j'ai la conviction que je verrai l'Europe. J'y ai un cousin. Nous examinâmes encore quelques photographies, et je demandai à Miss Spencer si elle avait toujours habité Grimwinter. Je ne suis pas tout à fait une provinciale, monsieur, répliqua-t-elle en se redressant de toute la hauteur de sa petite taille. J'ai passé 23 mois à Boston. Je répondis que dans ce cas, la vue des vieilles capitales de l'Europe ne l'étonnerait pas autant qu'elle le supposait. Mais je ne réussis pas à lui inspirer des craintes à cet égard. « Je connais l'ancien monde mieux que vous ne le croyez, » me dit-elle. « Je ne me suis pas contenté de lire Byron. Je me prépare. J'étudie les historiens et les voyageurs. »« Je comprends votre cas, » répliquai-je. « Vous avez la passion innée des Américains, la passion du pittoresque. C'est là, pour nous autres, une passion primordiale, antérieure à l'expérience. L'expérience ne vient qu'ensuite. » pour nous montrer ce que nous avions déjà vu en rêve. « Ce que vous me dites là me paraît très juste, » répondit Miss Spencer. « J'ai rêvé de tout et j'espère tout voir. » « Je crains que vous n'ayez perdu beaucoup de temps. » « Oui, et c'est là ce que je me reproche. » Les invités commençaient à se disperser. On prenait déjà congé. Miss Spencer se leva et me tendit la main avec un geste timide. Mais sa conversation avec moi l'avait aidé à reconstruire son château en Espagne, en jugé par l'éclat dont brillaient ses yeux. « Je retourne en Europe, » lui dis-je en serrant sa petite main. « Je guetterai votre arrivée. »« C'est cela, » dit-elle, « et si je suis désillusionnée, je l'avouerai avec franchise. » Elle s'éloigna, rêveuse, en agitant son éventail.